Cette semaine, on parle d'une poursuite contre B&H, de Flickr à vendre, de Google et d'un changement sur Instagram. Vous écoutez Objectif numérique, épisode 87. Stéphane Vaillancourt au micro, en compagnie de François Blanchette. Salut Stéphane. Et Christian est absent cette semaine. Ça va faire un peu de variété dans le show. Eh oui. Il est toujours là. Hein? Eh oui. Christian, où es-tu? Eh oui. Christian devrait être de retour au prochain épisode. On le salue en attendant. Eh oui. Qu'est-ce que tu as fait à côté photo, François, cette semaine? Ben, pas cette semaine, mais depuis la dernière fois. Je suis allé voir le spectacle de Philippe Brac. Un jeune auteur-compositeur qui a fait un peu parler de lui dernièrement à Montréal et puis qui, écoute, il a vraiment une personnalité très spéciale. Le gars, c'est un peu un genre de Charlebois jeune, ou en tout cas, tu sais, un peu pas anarchiste, mais un peu, tu sais, lui, il va un petit peu à contresens. Les médias, il donne des entrevues à fond, il parle de tout. Tu sais, lui, c'est le genre d'artiste qui prend de la drogue pour composer puis qui le dit. OK. Fait que, tu sais, il y a une vingtaine d'années, il est super cool, une belle couleur. Il est vraiment, là, tu sais, c'est toute la naïveté de la jeunesse. Oui. Elle est là dans ce qu'il fait, puis ça donne des bons shows, tu sais. Puis il s'exprime vraiment avec sa pensée, son cœur. Il n'y a pas vraiment grand-chose qui le retient. Fait que c'est bien le fun d'aller voir comme spectacle, ça, tu sais. Parfait. Fait que je me suis amusé à faire de la photo avec mon appareil et le logiciel FV5 qu'on avait parlé pour tester les capacités, voir OK, jusqu'à quel point je peux y aller manuellement. Puis je suis bien content parce que ce que j'ai fait, je me suis dit, bon, le spectacle était éclairé avec des lanternes chinoises. C'était un peu le thème de la soirée d'ailleurs. Il y avait des kimonos et lui, il était déguisé un peu à la japonaise, tout ça. J'ai testé l'appareil en mettant en mode manuel puis en allant descendre l'exposition le plus possible pour capter juste les lumières de ce qui éclairait la scène, pour avoir une vraie image de ce qu'on peut voir avec nos yeux d'habitude et non un appareil qui essaie d'aller chercher le plus de lumière possible, d'avoir du grain dans le noir puis dans les zones foncées puis tout ça. Puis ça a super bien fonctionné. Si on regarde les zones noires sur la photo que j'ai mis, c'est noir. Okay. C'est noir, il n'y a pas de tentative d'essayer de... Puis toi, tu es avec un Samsung Galaxy S5. Ouais. Parfait. Qui n'est pas la dernière technologie en caméra dans les smartphones. Non, ça va tellement vite. Écoute, ça fait même pas 2 ans que j'ai ce téléphone-là. C'est vrai qu'il n'était pas... À ce moment-là, il y avait le S6 qui était sorti, que j'avais pas acheté. J'ai fait le choix du S5 pour des raisons de carte SD. Oui, entre autres, parce que le S6, d'ailleurs... Ben non, ils ont manqué à marche, mais c'est ça, avec le S7... J'ai le S7 entre les mains encore, puis... Oui. Ils ont remis la carte SD, ils ont remis l'étanchéité, C'est ça. J'avais avec le S5, puis pas le S6, pour ça que j'ai choisi le S5. Donc, tout ça pour dire que l'appareil photographique n'est pas super à jour comparé à ce qui se fait maintenant, sauf qu'avec le logiciel, je suis allé chercher... plein de settings super intéressants pour ramener un peu des choses. Mmh. Pas de luminosité, évidemment, mais de contrôle sur la lumière. Puis ça a très bien fonctionné. Je suis très content, très satisfait du résultat, tellement que j'ai dit à ma copine qui travaille à la télé qu'elle peut mettre en onde des images si elle veut parce qu'elle était avec moi pour couvrir le spectacle pour le média pour lequel elle travaille. Puis elle me dit « Prends des photos, je vais les mettre en onde. » Parfait. Fait que c'est ce qui fut fait. Puis je regardais à la télé, ça fonctionne très bien. Ça passe bien. Tant mieux. Ouais. Ah oui, intéressant. Oui. Moi, j'ai pas fait beaucoup de photos depuis la dernière fois, mais j'en ai quand même fait un petit peu. J'ai fait de la photo de chalet. S'était loué un chalet puis un week-end. Puis j'ai pris des photos de l'espèce de petit foyer qui était un poêle à bois finalement. Puis quelques petites photos des environs du chalet, là, tu sais, du paysage et compagnie. Fait que j'ai pris ça surtout avec mon A7, mais je les ai publiés principalement sur Instagram. Fait que c'était pour le plaisir, tout simplement. C'est pas un album photo que vous allez retrouver sur Flickr ou quoi que ce soit. Il y avait peut-être juste 7-8 photos. Fait que ça valait pas la peine de mettre ça là, mais en tout cas, sur Instagram, je mettrai un lien pour ceux que ça intéresse. Là. C'est le fun, ça, ces week-ends-là, là, où tu es relax parce que tu fais ta photo, tu prends ton temps, tu testes des choses. C'est le fun. Moi, j'ai pris à peu près... C'est le moment parfait là, pour faire ça. J'ai pris le fameux poêle à bois d'à peu près 6 façons différentes. Ouais. Puis, tu sais, plus proche, moins proche. d'aller chercher les tisons, là, le feu. Oui, ça, c'est intense, cette lumière-là. Oui, oui. J'ai expérimenté un peu avec ça. Je ne l'avais pas fait souvent. Puis... Ben, je trouvais ça intéressant. C'était vraiment pour le plaisir. Fait que ça a été. Ça fait un bout de temps où j'ai toujours comme des événements à photographier. Là, ça faisait du bien de. C'est rare. J'avais pas grand-chose à photographier. Ouais. Mais au prochain épisode, je vous parle de photos macro parce que j'ai reçu mon objectif. Oui. Et oui, là, j'ai commencé à m'amuser beaucoup. Puis, 90 mm macro. Ouais, ouais. F2.8. maximum. Mm-hmm. Et oui, ça fait de la fichue de belles photos. Oh oui, là, tu tombes dans une gamme professionnelle. Là. Ouais, on va se le dire. Ouais. C'est professionnel, ça. C'est... Ouais. Non, je suis très, très satisfait de mon achat. Et il y a Dominique Dufour, qui est déjà venu à l'émission, qui m'a dit qu'il avait le même objectif et qu'il en était aussi très satisfait. Oui, c'est... Je pense qu'il fait l'unanimité. De toute façon, ben, je pense que Tamron en sort un, là, un macro dans les mêmes même plages focales à peu près. Là. Mais sinon, je pensais que c'était à peu près le seul qu'il y avait pour les Sony Alpha, de toute façon. Là. Le choix n'était pas très grand, mais au moins, quand le produit est bon, ben tu te dis pas « Ah, j'aurais dû en acheter un autre. » Au moins, ben si les résultats sont satisfaisants, ben c'est déjà ça. C'est le fun, cet objectif-là, parce que tu peux te donner, tu peux te dire, OK, j'utilise juste ça. Puis là, tu te mets à te promener, puis à faire ce que tu peux avec 90 mm. Ou tomber en mode macro, là, t'approcher des choses, puis là, tu deviens complètement, c'est un autre monde. Oui, t'sais. Ben écoute, je mettrai la photo de la canette de bière que tu m'as rapportée de Toronto, je te remercie. Oui, ça fait plaisir. Et on peut photographier assez proche, merci, en macro, là. C'est le fun de pouvoir aller voir le... T'sais, il y avait un grain de poussière sur la canette. on le voit très bien dans la photo. Fait que, non, moi, je trippe sur le fait de pouvoir faire de la photo macro parce que je fais beaucoup de photos de produits. Puis là, ben, j'avais reçu la montre Fitbit Blaze, la nouvelle Fitbit. Puis je l'ai prise en gros plan. Puis la photo, j'ai même pas retouché la photo. Là. Même pas rogné rien. Puis c'est une des plus belles photos que j'ai prises à vie, je te dirais. Je trouvais ça incroyable. Ça a été une des premières photos... Tu sais, j'ai pris peut-être une ou deux photos pour faire déclencher, pour voir ce que ça donnait. Mais après, c'était la première photo de produit que j'ai faite avec mon objectif. Puis, waouh! Ouais, elle va se retrouver. C'est cool parce que là, tu t'en trouves dans un monde où il y a tellement peu de profondeur de champ que tout ce qui est hors foyer devient des textures. Ben, c'est ça. Puis là, tu te mets à travailler tes textures de fond. Mm-hmm. Hey, écoute, il y a tellement de choses à faire. Oui. Tu sais, juste un exemple, là. Moi, je m'en sers pour un show de cuisine que je fais, là. Pour Ricardo, pour ne pas le nommer. Mm-hmm. Il y a des images que je fais de bouffe, okay? Des plats de bouffe, tout ça. Mais je me sers de la zone où c'est complètement foyer pour faire des petits points de lumière qui deviennent des gros ronds, ouais, tu sais. Du beau bokeh. Exactement. Fait que moi, je prends des louches, je prends des cuillères, tous des objets en stainless steel, cherche le mot en français, en acier inoxydable. Ouais. Puis ça, quand il y a une lumière qui rentre là-dedans, vu que c'est rond, les formes, ben là, il y a un petit point qui se concentre de lumière. Écoute, quand ça vient en foyer, là, on tombe, là, c'est comme des lumières de Noël dans un sapin. C'est le même, sauf que c'est tout blanc. Puis là, je compose mes points de lumière en arrière de mon poulet rôti. Puis je te jure, ça finit par être beau à un moment donné. Ouais. Ça finit par être beau un poulet rôti. Ouais. Ça upgrade beaucoup, beaucoup, beaucoup l'image de travailler... La partie très floue de l'image. Oui, oui. Tu sais, bien d'accord. Puis toi, je pense que je me trompe pas, c'est avec des couleurs là, que tu as fait ça? Oui, ben en fait, c'est la boîte qui était blanche. Mm-hmm. La montre était bleue. J'avais une espèce de fond bleu aussi. Mm-hmm. En fait, la boîte était bleue, il y avait un fond blanc. Puis j'avais ma table de cuisine de salle à dîner qui est brune, un brun foncé. Mm-hmm. Puis ces trois couleurs-là à l'arrière, ça formait presque un triangle de couleurs en background. Ouais, ça se complémentait. C'était un hasard. Puis la seule lumière que j'avais, c'était la lumière de la porte. Patio là, en arrière. Ouais, la lumière du jour. J'ai pas travaillé aucunement la lumière, puis il n'y avait rien d'allumé dans la maison. Écoute, il y a des. C'était parfait. On serait surpris de voir le tas de photoshoots ou de. On n'est pas surpris, en fait, là, mais il y en a beaucoup de livres de cuisine que c'est shooté à main levée, pas de trépied, puis pas d'éclairage. Ouais. Puis tu regardes les photos dans le livre, c'est impeccable, tu sais. c'est en fait, ce qui fait la photo, c'est le photographe. Tu sais. Ouais. Ah, c'est la composition. Non, mais c'est vrai. Oui, mais l'objectif, il est pour quelque chose aussi. Non, mais ça prend le bon outil. Oui, oui, oui. Tu dois être un bon ouvrier, un bon... Tu sais, tu as beau vouloir travailler ce que tu veux faire, mais ça te prend les bons outils aussi. Oui, mais la composition compte encore plus, selon moi. Là. Tu sais, tu peux... C'est bien beau la technique, puis arriver à des résolutions incroyables, puis des... Mais il n'y a rien qui bat un beau cadre, comme il n'y a rien qui bat une belle histoire au cinéma, tu sais. Oui. Ça peut être tourné en VHS, mais si tu as une belle histoire, tu oui. vas avoir une réaction à la fin. Là, ouais, absolument. En tout cas. Bon, trêve de tergiversation. Oui. On va passer à un de tes sujets, François, histoire de que je parle pas toujours, je ne suis pas toujours le seul à présenter mes trucs. Oui. Tu nous parles d'une poursuite contre B&H Photo. Oui, B&H, le fameux détaillant d'appareils photographiques et vidéo aux États-Unis. Mm-hmm. En fait, c'est le plus grand détaillant aux États-Unis d'appareils photo et d'accessoires photo. Oui. Je pense qu'à peu près tout le monde connaît ça. Si vous ne connaissez pas B&H... C'est que vous êtes européen, probablement. Possible. Puis même encore là, ouais. Je me demande si ça ne se rend pas assez loin. Ben oui, ce qui arrive, c'est que... Le gouvernement a décidé de poursuivre B&H après quelques plaintes d'employés parce que il y a eu des incidents raciaux là-dedans. Ah oui? Ouais, en fait, c'est de la discrimination raciale, carrément. La poursuite civile compte 15 cas de discrimination, toutes basées sur le sexe et la race des employés en cause. Si vous avez déjà visité le fameux magasin de New York, vous avez vu qu'il y a deux étages. Ça, c'est bien beau. D'ailleurs, c'est assez extraordinaire, ce magasin-là, si vous n'êtes pas allé. Je suis même pas allé l'été dernier quand je suis passé à New York. J'aurais dû, mais là, j'ai pas pensé. Ça peut-être vous donner moins le goût d'y aller avec le sujet que je vous parle, parce que bon, c'est pas super. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plus que les deux étages du magasin. Il y a le sous-sol, puis il y a deux autres entrepôts à Brooklyn. Bon, ça, c'est pour tout ce qui est shipping, envoi, tout ça. Il y a dans ces entrepôts-là, par exemple, il y a des employés hispaniques qui travaillent là, qui font juste du travail manuel. Ils n'ont aucune chance de monter dans la hiérarchie, selon les accusations. Ils sont là pour faire de la job manuelle. Mm-hmm. Alors que dans les postes de direction, de décision, de supervision, hommes blancs. Puis c'est en très, très grande majorité ce qu'on dit dans le texte. Okay. Donc, il y a peut-être une ou deux personnes, mais on parle ici d'une très grande majorité d'hommes blancs qui sont en contrôle ou dans les postes clés, finalement. Oui, oui. Cette poursuite-là, c'est juste la moitié des troubles légaux qui affligent B&H. La compagnie a même viré le département de nettoyage d'un de ses entrepôts parce qu'ils s'étaient dit, les employés s'étaient dit, là, c'est assez, on veut des meilleures conditions ici. On va se mettre en groupe puis on va aller voir la direction. Mais la direction a viré tout le monde. Oh. Fait que là, ils sont en train de se défendre de ça. Évidemment, chez B&H, ils disent que ça n'a aucun lien avec ça. Mais c'est un peu curieux, tu sais, parce qu'il est en train de parler de syndicats, puis tout, tu sais. Puis là, ils ont décidé d'aller en parler. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont viré toutes ces personnes-là, dont plusieurs avaient 15 ans d'expérience. Hey boy. Okay. Fait que ça, c'est vraiment avoir peur, tu sais, de faire des gestes désespérés. Je trouve vraiment que c'est dégueulasse faire ça. Puis les autres, ils se défendent. Il faut que vous lisiez l'article parce qu'il y a aussi plein de choses que je mentionne pas. Par exemple, il y a des toilettes qui sont pour les travailleurs hispaniques et des toilettes pour... Les Blancs. Ça va loin, là. Oui, ça, c'est des allégations, évidemment. Ouais. Bon, ça n'a pas été prouvé, mais il y a beaucoup de choses, là, tu sais. Puis B&H n'ont pas un dossier reluisant dans les dernières années. Il est arrivé d'autres incidents, saleté sur les lieux, travaux dangereux, non protégés pour les employés. Tu sais, des trucs comme ça qui ont été accusés, là, tu sais. Okay. Fait que, on peut penser qu'il y a effectivement encore faute, tu sais, de ce côté-là. Fait que c'est pas super, je dirais, vraiment, parce que c'est une compagnie qui est très connue. Oui. Eux autres, ils se défendent, ils disent qu'ils traitent tout le monde égal. C'est douteux. En effet. Parfait. Bon, mais à surveiller, à suivre pour ceux que ça intéresse. Oui, absolument. Les poursuites judiciaires et compagnie. Oui. Ou pour ceux qui voudraient ne plus acheter chez B&H parce qu'ils sont pas d'accord avec leurs valeurs morales et compagnie. Mais bon, ça reste à être déterminé en cours aussi, là, le procès... Le procès n'est pas terminé, il est probablement loin d'être terminé. J'ai pas regardé s'il était commencé, mais c'est en tout cas, les accusations sont portées. Là, mais ça risque de prendre un certain temps, de toute façon. Ben oui, c'est sûr. De mon côté, je vous parle de Flickr qui serait à vendre. C'est Mais une rumeur. Tes photos sont à vendre? Oui. Non, pas mes photos. Mes photos n'ont pas de prix. Il faudrait pas qu'ils disparaissent. Non, non, ça ne veut pas dire qu'ils vont disparaître, mais en tout cas, pas tout de suite. Flickr, qui avait été acquis par Yahoo en 2005 pour à peu près 25 millions de dollars, serait à vendre parce que apparemment que chez Yahoo, ça ne va pas très bien financièrement. Donc, ils essaient de se départir de certaines divisions. OK. Et puis, bon, il y a eu des acheteurs potentiels. Il y avait apparemment jusqu'à une quarantaine d'entreprises qui étaient prêtes à racheter des parts ou des portions de Yahoo ou des divisions. De Yahoo, là, carrément. De Yahoo, carrément. Okay. Ou des divisions. Parmi les acheteurs potentiels, on avait Verizon, Time, Microsoft. Il y en avait plusieurs, des firmes privées aussi. Les lettres donnaient, je crois, jusqu'au mois d'avril pour que les compagnies, les acheteurs potentiels se manifestent. Donc, on va le savoir dans quelques semaines, j'imagine. Que va-t-il en advenir? Quand même, hein, Yahoo. Oui. Tu sais, quand tu y penses, là, pour nous, on a commencé tôt là, sur Internet. Ça faisait vraiment partie de notre quotidien. Yahoo, c'était le Google du temps. Là. Oui, absolument. C'était la page d'accueil. T'sais. Oui. Tout le monde allait sur Yahoo. Puis, c'est pas possible parce qu'ils ont, ils ont défriché pour tout le monde. Puis là, ben garde, ils n'ont pas été capables de suivre. Oui. Ben un des problèmes de Flickr en ce moment, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'innovation. Ils ont rajouté la pellicule il y a peut-être un an à peu près, ou en tout cas autour de ça. Mais il n'y a pas eu beaucoup d'innovation ou d'amélioration d'apporter. On comprend pourquoi. Si Yahoo va pas bien. Ben c'est ça. Sauf que tu peux avoir des grandes compagnies qui ont des divisions qui fonctionnent bien et puis ils peuvent capitaliser là-dessus, ils peuvent focaliser là-dessus. Oui, absorber finalement des pertes dans une division avec les gains de l'autre. Mais tu sais, Yahoo, ils ont-tu des gains dans une autre division? Oui, je sais pas, c'est ça l'affaire. Eux, ils n'ont pas su monétariser, ça se dit ça, monétiser? Monétiser, oui. Ou rentabiliser. Oui, voilà, je pense que c'est mieux, rentabiliser l'argent. Sur Internet. Ouais. Ça a pris des années avec quelqu'un le trouve comment. Google a trouvé avec des pubs. Ouais. Mais, my God, ça a été long. Là. Mais là, Flickr, récemment, enlevait une fonction qui se retrouvait juste pour ceux qui avaient des comptes pro, qui était l'espèce d'auto-upload là, que tu pouvais envoyer tes photos directement sur Flickr à partir de ton téléphone. Bon, je me souviens pas de tous les détails. Mais quand tu es rendu à enlever des fonctionnalités pour les laisser juste aux membres payants, au lieu d'innover puis d'ajouter des fonctionnalités, à un moment donné, tu fais preuve d'un manque de vision ou de justement d'innovation, là, je sais pas. Ben, il n'y a plus de budget pour l'innovation, fait qu'on veut que nos membres payants aient l'impression d'en avoir plus. C'est donc, au lieu de leur en donner... On enlève à ceux qui ne payent pas pour les inciter à peut-être payer, mais... De toute façon, c'est pas une fonctionnalité, je pense, vitale pour qui que ce soit, là, l'auto-upload sur Flickr, on s'entend. Même moi, je le fais même pas à partir de Lightroom, là, mais je me fais même pas d'album à partir de Lightroom. Je devrais peut-être, là, mais je préfère passer par Flickr directement. Puis comme ça, je peux tout contrôler mes trucs au fur et à mesure. Puis en tout cas, peut-être que ma méthode changera avec le temps, mais... Écoute, tu sais, il y a... Ça change, on s'adapte. Il y a tout le temps du changement. Je me souviens pas d'avoir gardé un certain service pendant plus que 2-3 ans. Moi, Flickr, même ça fait longtemps. Là. Je te dirais que ça fait au moins 3 ans que je paye même pour Flickr. Ben, depuis qu'ils sont payants. Okay. Même un peu avant, j'avais commencé à payer, c'est vrai. Parce que depuis qu'ils offraient le 1 TB sans publicité, moi, je payais déjà avant puis je paye moins cher que les membres payants actuels ou qui ont commencé à ce moment-là. Parce qu'ils disaient... Si vous continuez à payer, vous aurez toujours le même prix annuel, qui est à peu près 25 $ américains. OK. Puis sinon, en ce moment, je pense que c'est autour de 40 $. Ah, quand même. Fait que ça fait une bonne différence, là, Ouais. Mais enfin, on va voir ce qui va se passer dans quelques semaines. Mm-hmm. Puis parlant de changement aussi, ben tiens, parlant d'enlever plutôt des trucs, pas aux abonnés, mais aux membres non payants, Google, lui, est allé à l'inverse. Il a décidé de rendre sa suite logicielle Nix Software gratuite. Suite logicielle qui vaut 150 $ américains, rien de moins. Okay. C'est un beau petit cadeau. Ça s'appelle le Google Nix Collection, qui avait été acheté à Nix Software. Et puis, il y a plusieurs logiciels. Il y en a 7, je crois. Il y a Analog FX Pro, Color FX Pro, Silver FX Pro, Viveza, HDR FX Pro, Sharpener Pro et Define. Ce sont tous des espèces de petits plugins là, qu'on peut utiliser. pour retravailler ses photos, ajouter des effets, tout ça. Et puis, ben moi, je l'ai téléchargé et je vous invite à le télécharger rapidement. Tout d'un coup, que ça, c'est une durée limitée ou quoi que ce soit, j'ai aucune idée, mais profitez-en le plus vite possible. Vous allez tout simplement sur google.com/Nick Collection, donc N-I-K Collection, et puis vous allez pouvoir le télécharger. Le lien va aussi être dans les notes d'épisode. Tu n'avais jamais utilisé ça, toi, François? Non, en fait, j'apprends le nom. J'avais jamais entendu parler d'eux. Moi, j'en avais entendu parler, mais je ne l'avais jamais utilisé, évidemment. Je ne voyais pas pourquoi j'allais payer 150$ pour des trucs qui allaient se greffer peut-être soit à Lightroom ou soit juste à mon édition, à mon workflow de ouais, photos. Là. Ouais, ouais, j'en ouais. avais pas vraiment besoin. Mais des fois, juste pour une fonction... Oui. Ça va être plus facile. Puis là, tu te dis, tiens, je vais m'utiliser ce logiciel-là oui. pour la fameuse fonction de X, là, tu sais, qui fait telle affaire, qui est moins compliqué que Lightroom, qui est moins compliqué que ce que tu as sur Flickr, par exemple. Ou, tu sais, oui. non, comme des je fois. Suis d'accord. Ben, mettons, pour un 30-40$, ça peut être un bon achat, mais quand tu es rendu à 150 américains, ouais. surtout là, avec le taux de change actuel, tu ben arrives. C'est gratuit, ça vaut à peine. C'est gratuit. Au moins d'aller voir, puis de voir si ça deviendrait pas un logiciel. Tu sais. Passer un petit 30-40 minutes à explorer les fonctions de base ou au moins l'interface, voir qu'est-ce que ça peut faire ou lire sur le sujet, mais téléchargez-le, au moins c'est gratuit. Donc, tu sais, on s'entend là, ça doit être c'est dans les derniers logiciels à se télécharger, tout va être en ligne, tu sais. Oui. Ça fait déjà un bout qu'il y a des retouches photo avec des fonctions avancées en ligne, tu sais. Oui. Ben souvent, même pour ce qui est des photos prises sur mon téléphone, je passe tout simplement par l'application Galerie d'Android, puis je fais mes retouches-là, mon rognage, mon recadrage. Je vais faire des retouches un peu de couleur ou de saturation, ces trucs-là. Je passe presque juste par là. Et si mon téléphone supportait le format DNG, ben je passerais par Lightroom automatiquement, même sur mon mobile. Je prendrais la photo en RAW là, puis je pourrais l'éditer beaucoup mieux après. Mais bon, pour le moment, ça marche quand même bien. Je prends mes photos puis je vais dans la galerie tout simplement. C'est plus rapide. Ben, tu sais, c'est un peu le point du mobile aussi. Là. Oui. Tu ne veux pas passer 10 minutes sur une photo, à moins que tu sois professionnellement en train de faire de quoi, mais sinon 10 minutes, mais je sors un chiffre comme ça. Oui. Là, mais... Ben même 5 minutes sur une photo. Ouais, c'est ça. Si tu en as 25-30 à traiter, ça commence à être long. Si tu as 25-30 photos à traiter sur un téléphone, c'était peut-être pas le bon appareil aussi. C'est ça. On jase, là. Ouais, on jase comme ça. Bon, puis, moi, j'ai une troisième nouvelle. Oui. Il y a un grand changement qui vient de se produire, qui vient tout juste de se produire sur Instagram. Un grand changement qui fait crier beaucoup de gens. Hey, j'ai hâte d'entendre ça. Ouais. Ouais. Tu m'as dit ça avant l'émission, mais j'ai fait « Ah, parle-moi-en pas tout de suite, je veux que tu me le dises pendant l'émission. » As-tu un compte d'Instagram? Oui. Bon, ben tu vas être affecté. Tout le monde est affecté. OK. Instagram a changé son algorithme pour faire un peu comme Facebook. Ben, tiens donc, qui appartient Instagram? Hein? Quelle surprise! À Facebook! Et voilà! Alors maintenant, sur Instagram, ben Instagram sait quelles publications vous intéressent ou sont susceptibles de vous intéresser. OK. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a? Grâce à des j'aime que tu fais dans l'application? Ou... J'ose espérer, parce que s'ils se basent sur un algorithme qui... Ou ils servent de ton data Facebook pour faire ça. Peut-être. Mais ce qui se passe, c'est que là, il y a eu beaucoup de levées de boucliers parce que les premiers utilisateurs ont dit « on voit juste les gros comptes sortir ». Puis les petits comptes, nos amis et compagnie, on ne voit plus leurs photos. Okay. Il faut activer les notifications, les avis, comme quoi ton ami a publié une photo, sinon tu ne la verras pas passer. Oh, ça c'est... C'est complètement aberrant. C'est plus Instagram. Ben non, parce que Instagram, un peu comme Twitter, c'est un fil... antéchronologique, si tu veux, que si de tu veux proximité, reculer, là, ben aussi, oui, t'sais. Mais c'est que tu peux voir toutes les photos qui viennent d'être publiées en ouvrant l'application, puis tu peux reculer jusqu'à ce que tu n'aies plus envie de reculer dans le temps, mais c'est toi qui décides. Tandis que là, c'est plus toi qui décides quelle publication tu vas voir, c'est l'application qui te sort, qui te pousse au fond de la gorge ce qui devrait t'intéresser, mais tu sais, sur quoi ils se basent, là? Ouais. C'est, sur Facebook, il y a une certaine logique, parce que si tes amis commentent sur un statut, ça va être mis à la ça va remonter. Ouais. Et oui, peut-être que c'est logique, Mais sur Instagram, que quelqu'un publie un commentaire sur une photo, je trouve pas que ça soit si pertinent que ça. C'est pas comme un statut de la vie de quelqu'un. Mm-hmm. Ou, tu sais, c'est... Mm-hmm. Je sais pas. Fait qu'il y a eu des pétitions, il y a eu un gros compte avec 70 000, pas signatures si tu veux, mais likes là, pour dire qu'ils supportaient la vie de cette personne-là et tout ça. Il y a plein de monde. Moi, j'écoute un autre podcast aux États-Unis là, sur la photo, puis eux aussi, ils comprenaient pas pourquoi Instagram allait dans cette direction-là. Moi, ma première réaction, ça a été, pourquoi est-ce qu'ils donnent pas le choix? Un peu comme Facebook, mais que tu dois surveiller parce que ça se reset tout le temps, là, mm-hmm. ça revient tout le temps, mais tu pourrais le dire de le laisser comme ça a toujours été, ou d'utiliser le nouveau feed, là, le nouveau mais, fil. Tu sais, la direction qu'ils veulent prendre avec ça, c'est encore une fois rentabiliser. Oui. C'est de faire de l'argent avec ça. Ben oui. Fait que Facebook, je m'en rappelle, ça a pris un certain temps avant de... Puis ils n'ont pas fini encore sûrement. Non. De tweaker, fignoler les posts, justement. Qu'est-ce qui apparaît sur ton feed? Ouais. Je me rappelle au début, c'était la même affaire. Il y a plein de gens qui ont chialé, qui ont dit « Hey, c'est quoi ça? » Il apparaît toutes sortes d'affaires que je ne veux pas nécessairement voir, ben, sans parler des pubs. Là. Je parle des choix. Non, je suis d'accord. Puis même, ça m'énerve encore. Puis je mets toujours aux publications les plus récentes. Ouais. Puis ça se remet automatiquement à les dernières publications qui ont été actives ou je sais pas quoi. Ou les... ouais. Je comprends pas pourquoi on essaie de nous enfoncer ça dans la gorge constamment. Puis c'est aberrant. Ouais. Fait que là, il y a plein de gens qui disent « Ah, on va quitter Instagram » parce que là, tu as des applications comme Snapchat que ça fait quand même un bout de temps que ça existe, mais qui gagnent en popularité, je te dirais, depuis 6 mois. Là. C'est incroyable. Au Québec, mais aux États-Unis aussi. Okay. Puis là, ils ont ajouté ou amélioré l'espèce de fonctionnalité de chat, là, justement, de discussion. Et là, ça, c'est nouveau. C'est une nouvelle addition. Ils ont fait des changements là-dedans. Puis Snapchat devient vraiment de plus en plus populaire. Mais tu vois, je sais que Snapchat est populaire depuis longtemps ailleurs. Oui. Mais effectivement, depuis quelques mois... Moi, je te dirais, depuis l'été dernier... Il y a une poussée au Québec. Il y a des chroniqueurs qui en parlent de plus en plus... des gens influents, là, tu sais, qui sont sur Twitter, sur Facebook, qui ont leur compte Snapchat et qui en font aussi la promotion. La promotion, t'sais. Mais moi, l'été dernier, quand je suis allé à New York, il y avait une grosse publicité là, sur une façade complète là, d'un commerce, ou en tout cas de plusieurs commerces. Là. Je me souviens pas trop c'était où, mais c'est sur Times Square, le gros logo de Snapchat, là, vraiment, je te dirais, 15 mètres par 10 mètres. Okay. Là, c'était incroyable. Ouais. Je l'ai pris en photo. Je l'ai probablement, je ne sais plus si c'était avec mon téléphone ou avec mon appareil, là, mais j'ai une photo de ce logo géant. Puis je te dirais que ça coïncide pas mal avec la remontée de Snapchat, là, même au Québec. Là. Okay. Mais ils ont dû faire de la pub partout. Puis là, ben, ce qui va arriver, qui est malheureux, c'est que Snapchat, c'est l'instantanéité, c'est l'éphémérité même, c'est que tes photos disparaissent après le visionnement. Là, 24 les gens, heures, ben, hein, je pense que c'est ça. Fait que là, les gens partagent des photos, tout ça, mais whoop, après, ils n'existent plus ces photos-là, à moins que tu les enregistres, là, mais ils existent juste pour toi à ce moment-là. Mais c'est ça le but de Snapchat, ça ne remplace pas, en tout cas de ce que j'ai lu, parce que j'ai un compte Snapchat que je n'ai pas encore activé. Tu sais, je me suis dit, tiens, je vais aller downloader l'application, je vais commencer à ouvrir ça, installer ça. T'en as-tu un compte? Oui, oui. Ben, il est désactivé depuis longtemps, mais ça doit faire 2 ans que j'ai un compte Snapchat. Ah, OK. Bon, mais moi, je me suis dit, bon, je vais le partir. Finalement, je l'ai mis de côté. Je vais le faire dans les prochaines semaines, c'est sûr. Mais c'est autre chose. Ça ne remplace pas ce qui existe en ce moment. C'est vraiment autre chose. Non, puis moi, des je ne vois pas le but, justement. Ben, de ce que j'ai lu, c'est pour, justement, créer des événements ou des moments maintenant. C'est pour suivre quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait maintenant, puis c'est tout après. On ne veut pas le savoir dans le passé. Hier, si, ce qu'il faisait hier, on veut savoir ce qu'il fait aujourd'hui. Ouais. Fait que ça sert bien des compagnies, ça. Il y a bien des compagnies qui ont intérêt à avoir un compte Snapchat pour aller chercher du monde qui sont là maintenant, qui veulent savoir ce qui se passe maintenant. Puis après, si c'était hier, ben c'est déjà trop tard. Oui, mais c'est ça. C'est la nouvelle génération, ça, ouais, justement. Exactement. L'instantanéité. Ouais. Puis on s'en fout de ne pas conserver ces trucs. Puis je sais pas. Comme moi-même, la plupart du temps, mes photos Instagram n'ont pas été prises dans Instagram. Au minimum, elles ont été prises par l'application caméra de mon appareil photo, là. Ou ont été prises avec mon vrai appareil photo puis transférées par Wi-Fi sur mon smartphone. Mais c'est excessivement rare, je te dirais. Si j'ai pas vu combien j'ai de photos, mais mettons que j'ai 250-300 photos sur Instagram, il y en a peut-être 15 qui sont prises avec Instagram. Hey, c'est drôle, hein? Moi c'est l'inverse. Mm. En fait, moi c'est encore plus direct que toi. Ils sont toutes prises avec mon téléphone dans Instagram, okay. Mes photos. Mais moi j'ai de la difficulté avec ça parce que justement, c'est que t'as aucune... C'est trop de l'instantanéité. Tu n'as aucune qualité dans ton image. Tu as un format carré de basse résolution. Mm-hmm. Moi, j'aime mieux avoir l'original que je vais rogner, recadrer à mon goût, puis que j'aurai retravaillé avant, peut-être un peu dans Galerie, justement. Puis après, je vais la publier dans Instagram. Mais ça, c'est un débat, hein? Oui. Il y a bien des gens qui disent, ben là, ça vaut plus rien, là, tu sais. Ta photo est tellement belle, mais c'est sûr, tu l'as pris avec un appareil de 2000$, tu sais. Non, mais moi, je dis pas ça. Parce que je suis pas un puriste, là. C'est pas parce que toutes mes photos ont été prises avec mon appareil dans l'application Instagram que c'est un statement. Pas du tout. Je l'ai fait parce que c'est comme ça. C'est plus rapide, puis plus pratique. Plus rapide, il faut dire qu'Instagram, je l'ouvre pas souvent. Je sais pas pourquoi, j'ai pas l'habitude. Comme Facebook, c'est terrible, là, je le rouvre 20 fois par jour, puis je mens pas, là. C'est au moins ça, peut-être plus même. Puis, mais Instagram, pourtant, j'aime ça aller là-dessus, mais je l'ouvre pas instantanément. C'est comme si il faudrait qu'ils soient intégrés un peu plus encore. C'est parce que tu suis pas des comptes assez intéressants, peut-être. C'est bien possible. C'est bien possible. Je vais là quand je me dis « Ah, il faudrait bien que j'aille voir quelle photo qui sort, tu sais. » D'ailleurs, question... Mais là, tu vois, je pense qu'Instagram va m'organiser ça. Oui, voilà. Non, mais question pour les auditeurs. Seriez-vous intéressé à ce qu'on ouvre un compte Instagram d'objectifs numériques, peut-être pour publier des photos, mais peut-être publier de vos photos aussi? Oui. Parce que là, on a commencé à publier des photos sur les réseaux sociaux, sur Twitter, notre page Facebook, notre page Google+. Et là, il y a déjà des auditeurs qui ont commencé à nous envoyer des photos. Et puis, si jamais ça vous intéresse, on pourrait ouvrir un compte Instagram et publier vos photos sur Instagram aussi. Puis publier aussi nos photos de ce qu'on a fait depuis le dernier épisode, des trucs comme ça. Mm. Si jamais ça vous intéresse, manifestez-vous. Envoyez-nous un petit courriel à podcast@objectifnumérique.com ou un petit message privé là, ou public sur Twitter et compagnie. On va tenir compte de vos avis. Bon, parfait. Hein, bonne idée. Ouais, vraiment une bonne idée. Moi, j'aime ça, la spontanéité. Comme ça. Bonne idée! Ah, tu vois, j'entends des auditeurs au loin. Oui. On a déjà du feedback. ben voilà, puis en même temps, ben, s'il y en a que ça intéresse de se prononcer sur le changement d'Instagram, est-ce que vous, ça vous affecte? Est-ce que ça va changer votre utilisation d'Instagram? Est-ce que ça va vous inciter à l'utiliser? Ou vous... À débarquer? Oui, vous inciter à débarquer d'Instagram, non, à ne plus l'utiliser. On va dire les choses comme ils sont. Ouais. Débarquer. Débarquer d'Instagram. voilà. Bon, alors ça a fait le tour du bloc nouvelles qui était quand même assez massif, ma foi. Quatre nouvelles. Beaucoup de choses qui se passent. Oui. Beaucoup d'actions. On va passer... on n'a pas de topo cette semaine. Hein. C'est un peu pour ça qu'on a renfloué un peu les nouvelles. Et même chose pour les suggestions. Oui. Passons au bloc suggestions. François, toi, de quoi nous parles-tu? Je suis tombé sur un site. Oh, j'adore tellement ça. La photo de lieu abandonné. Mm-hmm. Il y a tellement de possibilités de faire des choses intéressantes, surtout avec tous les filtres, là, puis le travail de post-production. Là, tu peux vraiment créer des mondes incroyables. Mm-hmm. Il y a un photographe qui s'appelle David de Ruda, un franco-germanique qui a passé 6 semaines, je capote, j'aimerais tellement faire ça. Il est parti 6 semaines en ex-USSR, en ex URSS. Union soviétique. Oui. USSR, c'est en anglais. Ben oui, je pense aux Beatles en disant ça. Fait que, moi, je pensais à The Box. Ah oui, c'est vrai. Il était allé en ex-URSS pour faire la photo. En fait, maintenant, ce qui est rendu plusieurs pays, mais qui était tout le sous contrôle soviétique. Mm-hmm. Puis il est allé faire une visite de plusieurs endroits comme ça qui ont été abandonnés, je dirais entre guillemets, parce qu'en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'il y a des tours organisés dans certaines de ces places-là. C'est pas aussi mythique, tu sais, que la photo, des fois, le dit. Évidemment, le photographe se retrouve là. Avec, comme dans ce cas-là, tu vois, c'était un projet pour Nikon aussi. OK. Donc, il y avait des accès, clairement, le gars, pour avoir la place libre. Pas de touristes qui prennent photo. Tu sais, tout parfait. Il est même allé à des heures. Ben, c'est ça. T'sais. Un des trucs que Pascal Dupré avait donné dans un épisode précédent, rendez-vous avant les heures où les touristes affluent. Oui. Fait que si vous allez à la muraille de Chine ou si vous allez dans un endroit comme ça où il y a des tours guidées, demandez à quelle heure les tours commencent et présentez-vous une heure avant si, ouais, pour ouais. avoir au moins si une heure possible, de tranquillité, là, si c'est possible. Si le lieu évidemment. Est ouvert, évidemment. Ou prenez le tout premier tour le matin. Souvent, les gens en vacances ou en voyage ne vont pas nécessairement se lever très tôt. Ouais. Vous y allez le matin, votre lumière va être meilleure de toute façon. Oui. Et il va y avoir moins de monde, fort probablement. Puis pour avoir accompagné Christian. Salut Christian. Pour avoir accompagné Pascal. Oui. Sur justement la Grande Muraille de Chine au matin. Oui. C'est... oui, faites-le. Faites-le parce que je m'en souviens encore. Ça fait des années de ça. Puis ça fait partie de mes plus beaux souvenirs. Fait que oui, prenez le conseil de Stéphane à cœur, s'il vous plaît. Fait que pour revenir à notre photographe, il a passé 6 semaines à faire des super photos dans des endroits abandonnés. En terre autrefois soviétique. Mm-hmm. Puis les photos, ben coudonc, ils sont spectaculaires. T'sais. Vraiment. Ah oui, t'es là devant les yeux. Oui, bon. Je les vois. Surtout dans les endroits sombres. En tout cas, lui, il aime ça travailler là. Il explique parce que, puis je suis totalement d'accord avec lui parce que c'est ma façon de travailler aussi. Quand tout est noir, parce que tout est à faire, tu sais, tu peux te servir juste d'une source lumineuse, comme la première photo que tu vois, qui est ma préférée. On dirait carrément qu'on est sur une nouvelle planète. Là. C'est... ou sous un vaisseau spatial, ouais, ouais. Un truc comme ça. La lumière est dramatique, est parfaite. Écoute, ça nous fait vraiment penser à un film de science-fiction. Mais j'aime la dernière avec l'espèce de carcasse qu'il y a eu, puis il y a eu comme une aurore boréale derrière. C'est oui, fantastique. Carcasse d'avion. Oui. Ah oui, et ça aussi, tu vois, il s'est servi de flash qu'il a mis à l'intérieur de la carlingue. Oui, parce que l'intérieur est éclairé, mais... exactement. L'espèce d'aurore boréale à l'arrière, verte, là, c'est fantastique aussi. C'est... ah non, c'est un beau travail. Oui, là, t'sais. Fait que donc, c'est ça, ses outils, lui, c'est quand il travaille dans les environnements. Parce qu'il n'a pas juste fait des photos dans des endroits sombres, mais quand c'est où ce qu'il travaille, où ce qu'il aime le mieux, ben, il utilise des flashs, une lampe de poche, comme la première photo, qui est ma préférée, ou ben, avec des longues expositions pour faire sortir le décor de sa noirceur. Tu sais, comme l'exemple de la photo, il y a une photo qu'il y a deux éclairages qui viennent de côté. Là. C'est dans une pièce avec des sièges. Là. Oui. C'est une salle de conseil, quelque chose comme ça, de congrès. En tout cas, il a ouvert deux portes de sortie de secours, je pense, puis il a laissé entrer la lumière naturelle et il a fait une exposition de 2 minutes. La photo est parfaite. T'sais. C'est vraiment là, c'est super beau. Il a aussi fait des super belles photos à Pripyat. Tu sais ce que c'est, Pripyat? Pripyat, oui. Ben, j'ai déjà entendu le nom. C'est Tchernobyl. En fait, c'est la ville ouvrière des ouvriers qui travaillaient à Tchernobyl, qu'on connaît tous, malheureusement. Bon, il y en a eu plusieurs belles photos de ça, mais lui, il a son petit côté, justement, là, tu sais, on va prendre des photos de Pripyat, mais le soir, tu sais. Il y a un arrêt d'autobus vitré encore, que les vitres ne sont pas encore éclatées. Il a installé des flashs dedans le soir, puis c'est super beau l'ambiance que ça donne. T'sais. C'est très cinématographique. Mm-hmm. Il y a aussi une photo avec des vitraux qui sont encore en place. Même chose, il a utilisé des flashs pour faire ressortir ça. Oui, elle est belle. Hein? Ah, écoute, il s'est servi des éléments qui sont là, puis il les a mis en valeur avec de la lumière. Ça fonctionne super bien. Le jour, ça serait complètement autre chose. Il n'y aurait pas le même espèce d'effet mystérieux ou féerique, tu sais, ça serait pas aussi beau, ça serait plus trash finalement. On verrait tout qu'est-ce qui est sale. Oui, c'est vrai, en effet. Ben, c'est ça, hein, mine de rien, il y a du travail derrière ces photos-là, là. C'est assez incroyable. Ah oui, il a pas fait ça en 2 minutes, ça c'est clair. Là. Tu sais, il s'est installé, il y a un assistant qui va placer ses flashs, je sais pas qui. Il passait par là comme le type sur la plage en Californie, près de l'épave, là, qui Il a photographié le feu. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça, c'est dans un autre épisode avant. Si vous voulez savoir de quoi Stéphane parle, il faut écouter l'épisode numéro... Ah, mon Dieu, c'est l'épisode 85 ou 86. Voilà, alors on vous laisse écouter ça. C'est quand même la bêtise humaine à son meilleur. Ouais. Comment scraper une épave le long de la côte américaine. Oui, c'est 86, pardon, je viens de le trouver. Ah, super, t'es rapide. Ouais. Donc, notre photographe, Il parle aussi dans l'article qui est proposé dans les liens qu'on vous laisse toujours en note d'émission. Il dit, lui, qu'il aimerait ça visiter Ashima Island au Japon. Mm-hmm. Fait que là, je dis, Ashima Island, je vais aller voir c'est quoi. J'ai googlé et tout de suite, en faisant Google Images, je suis tombé sur les photos de la fameuse île qui est une île abandonnée. Évidemment, c'est son style de photographie. C'est une île qu'on trouve dans le film Skyfall. Dans la série James Bond. Ah oui! Si tu as vu James Bond, ben oui, c'est la fameuse île de Silva, le vilain du film, qui est joué par Javier Bardem. Oui, c'est ce que j'allais dire. Puis, tu sais, je me suis toujours demandé, veux-tu même dire où est-ce qu'ils trouvent des décors comme ça? C'est-tu tout de la CGI, tu sais, des effets spéciaux par ordinateur, ou ça existe vraiment? Ben, ça existe vraiment. Écoute, je veux y aller, moi aussi. Mm-hmm. C'est là que je veux aller. C'est une ville avec des grands buildings. Ben, on vous mettra même le lien dans les notes d'épisode pour vous éviter la recherche. Ouais, on est comme ça. Oh, oui, sinon c'est facile à trouver. Là. Ouais. Hashima Island. Et puis, c'est c'est vraiment un endroit que tu te dis « Hey, my God, je pourrais arriver là puis passer la journée là. » Là, c'est des ruines puis des affaires un peu figées dans le temps. Il ne reste plus rien là, de valeur, évidemment. Non. Mais il y a de la photo à faire là. Mm-hmm. J'ose même pas imaginer le soir comment ça doit être spectaculaire. Oui, absolument. De toute beauté. Alors, c'était ma suggestion. Bon, parfait. Ta première suggestion. C'est vrai, j'en ai une autre à vous faire. Oui. Moi, j'aime beaucoup les photographes qui sont originaux. Mm-hmm. Je trouve ça vraiment le fun, ceux qui se cassent la tête pour dire « OK, on va faire quelque chose qui n'a pas été fait » ou une autre façon de voir, comme les Anglais disent, « thinking outside of the box mm-hmm. ». Et... Thinking outside the light box, tiens. Ah, OK. Oui. Pour faire un jeu de mots de photographie. Think outside the light box, please. J'en ai un ici qui m'a vraiment pas déçu. Il s'appelle Aaron Tilley. Il a recréé, écoute bien ça, il a recréé le fameux moment où on sent mal lorsqu'on sent qu'il y a quelque chose de terrible qui va se passer. Une espèce d'anticipation quasi malaisante. Ben exactement okay. ça. Selon la science, là, cette anticipation-là du désastre imminent, ça cause une production immédiate d'adrénaline. OK. Okay? Comme, même s'il n'y a rien qui se passe à ce moment, au moment. Mais tu sais ce qui risque de se passer. Là, oui, c'est tu ça. Te mets tout de suite en mode défense. OK. T'sais. Puis ça serait, cette réaction-là, elle serait intimement liée à nos ancêtres. Mais tu sais, nos très lointains ancêtres, là, lorsqu'ils fuyaient ou bien qu'ils se défendaient face à une situation mortelle. Là, ou quelque l'instinct, chose que... là. T'sais. Exactement, ouais, le fameux instinct de survie. Mm-hmm. Là, t'sais. Fait que ça, eux autres se sont dit, on va essayer d'aller chercher ça dans nos... Tu sais, dans le fin fond de nous autres. Okay. Là, fait que ce qu'ils ont fait comme photo, ben c'est des situations pour créer anxiété puis malaise. Fait que ça a marché pour moi dans une de ces photos-là. C'est celle que tu vois un stylo d'encre noire, là, avec une petite goutte qui est sur le point de tomber une chemise. Écoute, la chemise est blanche, parfaite, immaculée. Uh-huh. Elle est même parfaitement pliée, là, tu sais. Oui. Fait que tu te dis... Là, tu te dis, oh non, ça va gâcher la exactement, chemise. Tu fais comme, mais là, la goutte va tomber sur la chemise. Mais c'est, évidemment, c'est une photo, fait que c'est figé dans le temps. Uh-huh. Fait que... Je trouve que ça fonctionne très bien. C'est très intéressant. Oui, oui, c'est une belle recherche. Puis, tu sais, c'est tout à fait le genre de photo à utiliser en pub. Là, oui. Mais eux, ils ont vraiment dit OK, on va aller chercher plusieurs scénarios qu'on s'est fait. Bon, dans ce cas-là, moi, c'est la chemise, mais il y en a d'autres qui fonctionnent bien aussi. Là, mm-hmm. Fait que j'ai trouvé ça très, très, très original. Parfait. Bon, mais merci. De mon côté, je voulais vous suggérer la nouvelle page Facebook de Maxime Soriol qui est venu récemment à l'émission. Il a lancé une page qui s'appelle « Oh oui », mais en anglais, donc « O-H-W-E ». Et puis là-dessus, il repartage des photos qu'il juge intéressantes et qui sont intéressantes. Maxime a un œil très artistique pour la photo, là, c'est mm-hmm. Vraiment ouais. intéressant. Mm. Et je vous invite à aller visiter ça tout simplement sur Facebook. En fait, le lien sur facebook.com/« Oh oui, oh oui », donc deux fois, et puis vous allez tomber dessus. Puis il publie des photos régulièrement, quelques fois par jour et tout ça. Et il y a des photos vraiment de tous les styles. Il y a du noir et blanc, il y a des photos au look plus ancien, il y a vraiment de tout. Des photos familiales. C'est un bel exemple, lui. Je ne sais pas s'il utilise encore souvent son smartphone pour faire de la photo. Oui, il l'a changé récemment. Il a acheté le Galaxy S7. C'est un exemple de... Regardez ce qu'on peut aller avec cet appareil-là, ouais. avec un téléphone. Ouais. Mais là, il faut dire qu'un téléphone est de plus en plus un appareil photographique complet. Là. Oui. Ben mais là, il y a toujours reste pas que l'objectif. Oui, c'est ça. Ouais. Reste que l'objectif est très, très encore. On travaille dans des paramètres très, très, très limités. Oui. Mais ça n'empêche pas de faire des superbes cadres. Et oui. Encore une fois, l'œil du photographe. T'sais. Oui, absolument. Puis, comme on dit souvent, le meilleur appareil photo, c'est celui que tu as dans ouais. dans les mains, ouais. parce que si tu n'as pas d'appareil, tu ne prends pas de photo. C'est ça. Fait que souvent, la photo ne sera peut-être pas parfaite. Je ne parle pas techniquement, mais tu sais, il pourrait avoir un peu plus de définition, un peu plus de... Tu sais, mais si tu ne l'as pas, la photo, ben tu ne l'as pas. Exact. Ouais. Fait que Maxime, souvent, ce qu'il fait, c'est qu'il prend des photos dehors aussi, de réflexions dans l'eau, des trucs comme ça, dans des vitrines, des miroirs. Il y a de la lumière, fait que ce soit avec un téléphone ou un appareil photo ordinaire, tant que tu as suffisamment de lumière, ta photo va bien sortir. Oui, oui, absolument. Dans son style, lui, ça fonctionne oui. parfaitement bien. Oui. C'est discret, tout petit, tu sais. Pour rester dans les jeux de mots de photo, il y a eu un bon flash. Ah. Et là, Christian ne peut pas me faire les gros yeux. Bon, alors voilà, la page Oh Oui sur Facebook. Vous allez voir ce que Maxime Soriol aime bien côté photographique et qu'il veut partager avec vous. Puis si vous n'êtes pas abonné à son compte Instagram, justement, ben profitez-en. Je vais mettre le lien dans les notes d'épisode. Puis il y a une de ses photos qui a été reprise par un grand site canadien, tout ça, par plusieurs sites. En fait, je pense qu'au total, il y a eu pas loin d'un million de je sais pas si c'est de view, de like ou de... Écoute, c'était impressionnant. Là. C'est gros. Ah, là. C'est la photo sur la campus McGill, c'est oui. ça? Okay, oui. Ouais. C'est une belle photo. C'est ça. Ouais. Mais ça a été repris par des gros sites, des gros comptes, mm-hmm. en fait. Puis là, elle sortirait dans le nouvel algorithme, là, ah, avec, ben grâce oui. à ces gros comptes. Écoute, avec un million de vues, écoute, ou de reach. Ouais. Bon, et comme deuxième suggestion, moi, j'ai une petite application de réalité augmentée. C'est la compagnie japonaise Cosina, C-O-S-I-N-A, qui a conçu une application qui vous permet d'essayer des objectifs grâce à la réalité augmentée. OK. Donc, avec une paire de lunettes de réalité virtuelle ou augmentée, c'est-à-dire avec... Non, dans votre téléphone. OK. Ah ça, ben oui, réalité augmentée. Oui, c'est ça. Fait, à même l'écran de votre téléphone... Je rêve trop à mon Oculus. Vous décidez d'avoir un objectif Voigtlander. Hein, si le nom ne vous dit rien, il y a une raison, c'est que c'est hors de votre budget. Ouais. Et ben, vous décidez de brancher une Voigtlander sur votre appareil photo fictif dans votre téléphone et ça va vous donner l'impression de voir avec cet objectif-là et tout ça. Et c'est difficile à décrire, là. Il faut vraiment... vous allez voir aussi de quoi votre appareil va avoir l'air avec cet objectif-là. Mm-hmm. Ça vous donne une idée. C'est amusant, c'est intéressant. Téléchargez l'application, c'est gratuit sur l'App Store d'iTunes, l'App Store d'Apple. Et, juste Apple? Ou Oui, okay. Malheureusement. Mais voilà, ça s'appelle Cosina AR, tout simplement pour Augmented Reality. Donc, c'est la compagnie Densan, un nom typiquement japonais, tiens. ben voilà, ça fait le tour de nos suggestions et ça conclut l'épisode 87. Merci, chers auditeurs, de toujours être fidèles au poste. Merci, François. Merci beaucoup. Et on se retrouve dans deux semaines, j'imagine, oui, si tout va bien, avec Christian. Oui, Christian, où es-tu? Pour l'épisode 88. Et à l'épisode 88... On devrait parler de... Tu sais, on va faire un semi-tour du monde. On va parler de Cuba, de Hong Kong, de zoom optique pour smartphone. Mm-hmm. Hein, parce qu'on disait que c'est un des derniers éléments qui manque à un smartphone pour devenir un véritable zoom appareil optique photo. Sans appareil, sans mécanisme mobile. Uh-huh. Ah. Très intéressant. Oui. Donc, à suivre. Et d'ici le prochain épisode, mesdames, messieurs, à vos déclencheurs.